Fécric des hauts, briqueuse, représente 8, 9, le syndicat des rimes, le 8900, la ville de Sens. Je représente Sens, ma ville, où tout ne tient qu'un fil. Je représente Sens, où règne la délinquance et la violence, où je vis depuis ma naissance. Où je ferais bien brûler les voitures poulées avec mon bidon d'essence. Là où j'ai eu peu de chance, si ce n'est dans la chanson. Je représente tous mes sauces béton en prison. Je représente mon quartier les chaillots, là où règne mes poteaux. Tu peux pas tester qu'un bolos, là où même les marmots te font tomber de haut. Cassos, là où tournent des tonnes de béto, là où on se lasse dans le dos. Si t'es par éclos, je représente VYDO, CNM, ensemble pour les syndicats. Je représente mon 8-9, Cara, gare à ton huc. Si tu sais pas à la sup, 4 autres stupes, trop de putes rares, ils sont les bons gars. Je représente Jigma, je représente aussi Mamifa, sans qui je ne serais pas là. Ma connaissance, je l'ai acquise grâce à cela. Je représente tout mon département, le 8-900, là où trop de sang a été versé. Trop de blagues pour qui je dédicace ces versets. Trop de larmes j'ai versé quand je suis bercé par quelques pensées attristées, par la perte d'un être cher, souvent lassé d'être chassé. Je représente mon os, toi-même tu sais sur qui tu peux compter si tu tombais sur un os. Je représente tous ceux de ma putain de génération 80, ceux qui me soutiennent même quand je vais pas bien, qui sont là quand j'ai besoin de soutien, qui sont là pour mon bien. Je représente mon BLOK, mon SNDIK, des rimes qui me permettent pas béton dans la déprime, juste un peu de béto et je m'exprime sur feuille. Lâche une instru, je l'assassine. Pour finir, je représente à ma princesse R-I-C-E-U-S pour entendre tes SOS. Je représente mon crew, le 8-9 Sens. J'y vis depuis ma naissance. Je connais toutes les hures en cas de bavure. Pas d'hésitation à sauter par-dessus la clôture. Je représente mon 8-9 obscur. Je représente mon SNDIK des rimes, VYDO, Riqueuse, CNM, c'est pas de la frime. Je représente tous ceux qui sont en manque de gens art, qui prennent tous les risques pour avoir leur part. Je représente certains scarlats, crânes, zéra, quelquefois habillés, cosla, VYDO, toujours là pour représenter tous mes poteaux, pas sur des larmes attristées. Je veux aussi représenter tous ceux qui par la haine ont été bercés. La mienne, je la sors au MIC. Je représente tous ceux qui ont été pourchassés. Je représente mon 8-9, banditisme, trois gars contre l'antisémitisme, avec un son aussi violent que l'héroïne. Je représente un gars qui habite à la ZUP, qui évite les stupes. Je quitte cet instru, Sarko, Le Pen et tous les fachos, les intrus.